Chapitre 13. La partie projetée tourna très différemment de ce qu'on avait imaginé. Les uns y voyaient un plaisir parfait, quelques-uns de l'ennui, d'autres de la fatigue. Il n'y eut rien de tout cela. Elle manqua au moment où on s'y attendait le moins. À 10 heures, toute la société était au parc, où on devait déjeuner amplement avant le départ. Sir George ne se possédait pas de joie. Il avait plu toute la nuit, mais le temps s'était éclairci sur le matin, les nuages se dispersaient à l'horizon et le soleil paraissait. « Nous aurons un temps de Dieu, » disait-il, « et vous verrez Whitewell dans toute sa gloire. » Tout le monde était en train et de bonne humeur. On était décidé à s'amuser quoi qu'il arrivât, et l'on se montait en gaieté. Pendant le déjeuner, on apporta les lettres. Il y en avait une pour le colonel Brandon. Il la prit, regarda l'adresse, pâlit et quitta immédiatement la chambre. Qu'est-ce qui arrive à Brandon ? Dit Sir George. Personne ne répondit. J'espère qu'il n'a pas reçu de mauvaises nouvelles, dit Lady Middleton. Mais il faut que ce soit quelque chose de bien extraordinaire pour laisser ma table de déjeuner si brusquement. Dans moins de 5 minutes, il rentra. Point de mauvaises nouvelles, j'espère ? Lui dit Madame Jennings au moment où il ouvrait la porte. Non, madame, aucune. Je vous remercie de votre intérêt. Très vif, en vérité. Est-ce d'Avignon? J'espère que votre sœur n'est pas plus malade. Non, madame, ma lettre est de Londres, et c'est simplement une lettre d'affaires. Mais comment se fait-il que la seule écriture vous ait autant troublé? Venez, venez à côté de moi, cher colonel. Racontez-moi ce que c'est. Quelque chose d'intéressant pour vous, j'en suis sûr. Ma chère maman, dit Lady Middleton, laissez de grâce le colonel achever son déjeuner. « Voilà votre tasse, colonel. » Il la prit et la but rapidement sans s'asseoir. « Peut-être est-ce pour vous dire que votre cousine Fanny se marie ?»« Est-ce cela ?» dit Madame Jennings. « Non, madame, pas du tout. »« Eh bien donc, je sais ce que c'est. Et qui vous écrit, colonel ? J'espère qu'elle se porte bien. »« Qui, madame ?» dit le colonel en rougissant un peu. « Oh, vous savez très bien de qui je veux parler. » Le colonel, impatienté, ne répondit pas. Il s'adressa à Lady Middleton. « Je suis très fâché, milady, lui dit-il, d'avoir reçu cette lettre ce matin. Elle m'oblige à partir de suite pour Londres. »« Pour Londres ? » s'écria Madame Jennings. « Quelle folie ! Et que peut-on avoir à faire à Londres dans cette saison ?»« C'est moi qui perds le plus, » dit-il, en étant forcé de quitter une société aussi agréable. « Mais ce qui me chagrine surtout, c'est que je crains de faire manquer la partie de ce matin, et que ma présence ne soit absolument nécessaire pour être admis à Whitewell. » Tout le monde fut consterné. « Mais si vous écriviez un billet à la concierge, M. Brandon, » dit vivement Maria, « ne serait-ce pas suffisant ?»« Je crains que non, mademoiselle. »« Il faut absolument que vous veniez avec nous, » s'écria Sir George. « Il n'y a point d'affaire plus importante au monde que de ne pas déranger une partie sur le point de commencer. » « Renvoyez votre départ pour la villa demain, Brandon, voilà tout. »« Je voudrais que cela me fût possible, » dit-il avec fermeté, « mais je ne puis retarder mon départ d'un jour. »« Si vous vouliez seulement nous dire de quoi il est question, » dit Madame Jennings, « et nous compter votre affaire, nous déciderions si elle est si pressée ou si vous pouvez rester. »« Vous ne perdrez que 5 ou 6 heures, » dit Willoughby, « si vous vouliez seulement différer jusqu'à notre retour. » « Je ne puis pas perdre seulement 1 heure, » répondit le colonel. Elinor entendit Willoughby qui disait à voix basse à Maria, « Il est de ces gens maussades qui ne peuvent supporter une partie de plaisir. Il avait peur de s'enrhumer ou d'être mouillé, j'en suis sûr. Il a inventé cela pour faire manquer celle-ci. Je voudrais parier 50 guinées que cette lettre est de sa main. Je n'en doute pas, » dit Maria. « Il n'y a pas moyen de vous persuader, » dit Sir George. Quand une fois vous avez mis quelque chose dans votre tête. Je sais cela depuis longtemps. Voyez cependant combien vous nous contrariez. » Le colonel répéta encore tout son chagrin d'en être la cause, mais déclara que son départ était inévitable. « Eh bien donc, quand vous reverra-t-on »« Bientôt, j'espère, » ajouta Lady Middleton. « Et nous remettrons la partie de Whitewell à votre retour. J'aurai le temps de tout mieux arranger. » »« Vous êtes très obligeante, madame. » Mais mon retour est si incertain que je n'ose prendre aucun engagement. « Je vous déclare, » dit Sir George, « que si vous n'êtes pas ici à la fin de la semaine, je vais vous chercher. » Oui, Sir George, faites cela, s'écria Madame Jennings. Vous saurez alors ce que c'est que cette affaire, et vous me le direz. On vint avertir le colonel que son cheval était prêt. Vous n'allez pas à cheval jusqu'en ville, dit Sir George. Non, seulement jusqu'à la première poste. Eh bien, je vous souhaite un bon voyage, entêté que vous êtes. Allons, un effort de complaisance, renvoyez ce cheval. Je vous jure que cela n'est pas en mon pouvoir. Il prit congé de toute la compagnie, qui lui rendit son salut avec humeur, à l'exception d'Elinor, qui n'avait pas dit un mot pour le retenir, et qui le salua avec affection. N'a-t-il aucune chance, mademoiselle Elinor, lui dit-il, de vous voir à Londres cet hiver avec votre sœur? Je crains qu'il n'y en ait point. Je vous dis donc adieu pour plus longtemps que je ne voudrais, dit-il avec émotion. Il lui prit la main, qu'il serra doucement, et fit un simple salut à Maria. Madame Jennings voulut encore le retenir pour lui faire dire son secret, mais il lui souhaita le bonjour et quitta la chambre avec Sir George. Les plaintes, les regrets, les lamentations, les reproches, les sarcasmes, les conjectures, que la politesse avait retenues, éclatèrent à la fois dès qu'ils furent sortis. Lorsque Madame Jennings fit taire tout le monde en disant « Je crois que j'ai deviné l'importante affaire qui nous a tous rendus si malheureux. »« Quoi donc, chère dame, qu'est-ce que vous croyez ? Dites vite !» s'écria chacun. « Je suis sûr que c'est pour Miss Williams. »« Et qui est Miss Williams ?» demanda Maria. « Quoi ? Vous ne connaissez pas Miss Williams ? Vous en avez au moins entendu parler ? Pas du tout, je vous jure. »« Eh bien, Miss Williams, » dit-elle avec un sourire fin, « est une proche parente du colonel, très proche en vérité. » Je ne veux pas dire en toutes lettres à quel degré pour ne pas blesser les oreilles des jeunes dames. Et baissant un peu la voix, elle dit à Elinor, « C'est sa fille naturelle. »« Vraiment ? Vous me surprenez. » »« Oui, comme je vous le dis. » Et le colonel l'aime comme ses yeux. Je suis sûr qu'il lui laissera toute sa fortune. Sir George rentra et se joignit de grand cœur au regret général. Mais il finit par observer que, puisqu'on était rassemblés, il fallait au moins faire tous ensemble quelque chose qui serait peut-être aussi divertissant. Après quelques consultations, on convint qu'on irait courir de côté et d'autre, suivant sa fantaisie, pendant quelques heures, puis qu'on reviendrait dîner au parc. Lady Middleton trouva que c'était beaucoup plus convenable que de dîner en plein air. Elinor fut du même avis par d'autres motifs. Les voitures furent ordonnées, l'élégant carrick de Willoughby fut prêt le premier. On comprend qu'il devait conduire Maria, et jamais celle-ci n'avait paru plus heureuse qu'en se plaçant à côté de lui. Et vraiment, c'était le plus beau couple qu'il fut possible de voir. Ils partirent comme l'éclair, et furent bientôt hors de vue, et on n'entendit plus parler d'eux jusqu'au retour général. Ils étaient partis les premiers, ils revinrent les derniers. Tous deux paraissaient enchantés de leur promenade, dont ils ne donnèrent aucun détail. Ils dirent seulement que, pour rouler plus vite, ils étaient restés dans la plaine. Les autres, pour jouir de la vue, s'étaient promenés sur les hauteurs. Sir George avait décidé que, pour se consoler du départ du colonel, on s'amuserait toute la journée et qu'on danserait après dîner. Il y avait, outre la compagnie ordinaire, toute la nombreuse famille carrée de Nerton. On était 20 personnes à table, ce que Sir George remarqua avec grand plaisir. Willoughby prit sa place accoutumée entre Elinor et Maria. Il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient assis, lorsque Madame Jennings, se penchant entre Elinor et Willoughby, prit le bras de Maria et lui dit, assez haut pour être entendu de tous deux, « Je sais où vous êtes allée ce matin, Miss Maria. Je l'ai découvert malgré tous vos beaux mystères. » Maria rougit et dit vivement, « Où donc, madame ?»« Ne saviez-vous pas, dit Willoughby, que nous nous étions promenés dans mon carrick ?»« Oui, oui, monsieur, je le savais bien, mais j'étais décidé de savoir aussi où ce carrick vous avait mené, et je le sais. »« J'espère, Miss Maria, que votre future maison est de votre goût. Elle est à mon gré une des plus grandes et des plus belles que je connaisse. » Et quand je viendrai vous voir, j'espère que je la trouverai bien arrangée et meublée de neuf. Les meubles actuels sont trop antiques, n'est-ce pas? C'est la seule chose à quoi j'ai trouvé à redire quand j'y fus il y a 6 ans, et vous ne les aurez pas trouvés en meilleur état ce matin. » Maria se détourna en grande confusion. Madame Jennings rit aux éclats et conta ensuite à Elinor qu'elle avait chargé sa femme de chambre, Betty, adroite autant que gentille, de savoir du jockey de M. Willoughby où son maître avait conduit Miss Dashwood, et qu'ainsi elle avait appris positivement qu'il l'avait menée au château d'Aldenham et qu'ils avaient passé toute la matinée à se promener dans la maison et dans les jardins. Elinor pouvait à peine le croire. Il lui semblait également inouï à M. Willoughby de l'avoir proposé et à Maria d'avoir consenti d'aller dans la maison où vivait une femme respectable qu'elle ne connaissait point et chez qui elle ne pouvait être admise. Aussitôt qu'on fut sorti de table, elle prit sa sœur à part et le lui demanda, et à sa grande surprise, elle trouva que tout ce que Mme Jennings avait dit était exactement vrai. Maria était tout à fait revenue de son premier moment de trouble et se fâcha presque de ce que sa sœur en doutait. « Qu'est-ce qui vous étonne donc, Elinor ?» lui dit-elle. « Pourquoi ne serais-je pas allé voir Altenham, puisque j'en avais une si bonne occasion ? Ne vous ai-je pas entendu dire vous-même que vous en auriez grande envie ?»« Oui, Maria, mais j'aurais attendu que Mme Smith n'y fût plus ou voulu m'y recevoir. Et je n'y serais surtout pas allé seul avec M. Willoughby. » M. Willoughby est cependant la seule personne qui ait quelque droit de m'y introduire et qui puisse me montrer en détail la maison et les jardins. Son caricle ne contient que deux places et je ne pouvais avoir personne avec moi. Je vous assure, Elinor, que dans toute ma vie je n'ai passé une plus délicieuse matinée. Il est fâcheux, reprit doucement Elinor, que le plaisir et la convenance n'aillent pas toujours ensemble. Au contraire, Elinor, cela vaut beaucoup mieux, et ce que vous dites est la plus forte preuve en ma faveur. Si j'avais blessé le moins du monde les convenances ou la décence, j'en aurais eu le sentiment. Vous m'accorderez, j'espère, qu'on sent toujours quelque chose de pénible quand on fait ce qui n'est pas bien. Et avec cette conviction, je vous assure que je n'aurais eu nul plaisir. « Mais, ma chère Maria, » dit Elinor avec une extrême tendresse, « ne pensez-vous pas aussi qu'un sentiment plus vif encore peut aveugler ? Vous vous êtes déjà trop exposé, peut-être, à de malicieuses remarques. Ne commencez-vous pas à vous douter que vous y avez peut-être donné lieu, et votre promenade peut les augmenter ? Madame Jennings et ses sottes railleries, interrompit Maria, me sont très indifférentes. Tout le monde, et vous-même, Elinor, vous y êtes sans cesse exposée. Je n'attache pas plus de prix à sa censure qu'à son approbation. Je n'ai point du tout le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal en promenant dans les jardins de Madame Smith ou en voyant sa maison. Elle doit un jour appartenir à M. Willoughby et... Lors même qu'elle devrait aussi vous appartenir, dit Elinor, cela ne justifie point ce que vous avez fait. Maria rougit beaucoup, mais plutôt de plaisir que de peine, et après quelques minutes de silence, elle passa un bras autour de sa sœur et lui dit avec son charmant sourire « Peut-être, Elinor, ai-je fait une étourderie en allant à Altenham. Pardonnez-la-moi, je ne puis m'en repentir. M. Willoughby avait la passion de me le montrer. » Et c'est une charmante habitation, je vous assure. Il y a surtout un petit salon au premier étage, précisément comme il le faut pour un établissement de tous les jours. Lorsqu'il sera meublé avec élégance, il sera délicieux. Il est situé à l'angle de la maison et il y a deux vues différentes, d'un côté sur le boulingrin et au-delà sur un beau grand bois. De l'autre côté, c'est l'église et le village, et derrière, cette belle colline que nous avons si souvent admirée. Encore n'ai-je pas vu le salon à son avantage, les meubles sont si antiques. Mais comme dit Willoughby, avec quelques centaines de guinées nous en ferons, on peut en faire la plus charmante chambre d'été de toute l'Angleterre. » Ainsi finit le sermon d'Elinor. Elle ne dit plus rien, et Maria allait continuer sa description d'Altenham avec le même feu quand elles furent appelées pour la danse. C'était Willoughby. Elle lui donna la main et dansa toute la soirée avec lui, sans se rappeler un mot de ce que lui avait dit sa sœur.